J'connais le tueur du troubadour. Un ami mort, c'est la tranquillité. À cause d'une rose qui dépasse de la douleur. Apprends que le respect passe par l'humilité. Ton tir, on va pas râler, j'en ai pas un râler. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais rue parade. Je passe le bras d'Ocane dans mon cadrane. Encore un son déclassé, j'en ai pour les poudres. Y'a des bitches, on va cramer, je suis de passage. Je viens du trou du cul d'en bas, moi nous on a ramé. On prend mon cobra, on compose un syndic. Mon gang sans l'aura, ouais, les manos salis. Dieu tout blague, je reprends ton râle. Comme l'antéchrist, là c'est plus comme avant, je suis en barbe, il faut qu'un assise. Seul choix jugé par blues ou porté par six. Client dans un trip, j'encaisse avant l'olé. On a plus l'âme et tu sais déjà qu'on est maudit. J'ai perdu des potes, j'ai même plus les photos. Mon baron s'appelait autre, il aimait pas les poudres. Mon pote on gravit, on s'arrose. Ici tout pour la famille, Rosa Nostra. Cœur en place, rappelle-toi l'incendie. Les gens que j'aime, table à mille, je sais qui m'en vit. Le sun se lève et je ne dormais pas. Ces pierres précieuses en témoignent. Le ciel s'éclaire avec ou sans tort. Je la quitte ici, mais avec je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Une seule vie donc le temps presse et le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville faréta, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. Le ciel s'élève et je ne dormais pas. Y'a rien comme un qui, personne ne m'a promis demain. Et te faire mourir, j'ai 10 000 façons, là c'est la moisson. On va cligoter comme un saucisson. J'oublierai pas mes racines, sous prométhasine. Éteins tes putains de phares au Hadzi, là t'es pas à Aldi. Ma mère vise aussi bien au 38 qu'elle écrit Obic. Mes rayés ont des regards innocents, ils ouvrent des coffres au plastique. J'ai digéré les plus jolis, puis ça me fout plus la trique. Avant de voir Saint-Nicolas, j'me ferais bien un flic. Personne où on est armé, je n'ai armé. Je vole au-dessus d'un hydrase, je sais pas lequel est parlé. Y'a heure aujourd'hui entreprise, tiens mon câble. Ils sont sortis vendredi ni samedi, je suis mieux devant l'allée. Tu me verras plus grand sarco, mais en poster. Je suis pas dans leur délire de All-Star, je suis moi et ma père. Ton père a dur à gagne, t'as cri comme H tout. Car mon chanson son fourreau comme Zelda, génération shoot ça. Fils de pute on a grandi, donc ton trou de balle s'agrandit. J'ai perdu les potes, moi j'ai même plus les photos. Mon daron s'appelait autre, il aimait pas les poudres. Le sun se lève et je ne dormais pas. Ces pierres précieuses en témoignent. Le ciel s'éclaire avec ou sans tort. Je la quitte ici mais avec je m'en sépare. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. On kiffe et on n'arrête pas. Une seule vie donc le temps presse et le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville faréta, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. Le sun se lève et je ne dormais pas. Y'a rien qu'un anki, personne ne m'a promis demain. Ça n'arrête pas, on kiffe et on n'arrête pas. Le temps presse et le ciel nous fait des dessins. Je tourne en ville faréta, les films ont déteint. Nous on prend la haine, on t'éteint. Le sun se lève et je ne dormais pas, y'a rien qu'un anki, personne ne m'a promis demain. J'connais le tueur du trou.